les atypiques. Comme les jeunes copies courant l'encre chimique. J'suis mort de nuit aux éphémérides. Jerry du Berry, terrible la mort de sa longue peau, sculpte terrible. Nécrophile malgré moi, car les grosses chaînes demandent que je baisse leur putain de dépouille. Qu'on s'entorde pour qu'elles aillent au 7ème ciel, comblées et heureuses. J'ai envie de quitter la vie pour baiser la faucheuse. J'ai pas assez de thunes pour les bombes funèbres, alors j'ai mis mon voisin mort dans un sac poubelle. Moi je suis l'ordre en haut de mon haricot. J'ai trouvé le chemin de l'enfer en tombant dans le caniveau. L'amour est dans le pré, ta tête est coupée dans un silo. J'éclaire ma lanterne par le pétrole de mes rivaux. Des lacs de larmes, un brouillard de lacrymo, dissipé par la chaleur corporelle de ma bimbo. Je suis mort de nuit, la vie m'assassine. Je suis mort de nuit, mon cercueil est en résine. J'suis mort de nuit, la vie m'assassine. La vie m'assassine. J'suis mort de nuit, la vie m'assassine. J'suis mort de nuit, mon cercueil est en résine. Mes mains montent à l'horizon pour étrangler le jour. Ça pue la mort dans ma tour. Au cœur de la nuit, tu ne vois rien et ça grogne. Je m'oxygène avec la charogne. J'suis plein de cicatrices, Dieu est mon tatoueur. Mon voisin a été pris par les éboueurs. Tu sais, de toute façon, on dit que la vie est une fête. Même si on danse sur des squelettes, je dessoude trop de gens, je fais la fortune du croque-mort. Au royaume du trépas, moi j'ai reçu un hot dog. Mon esprit part comme si je reçois un coup de maillet. Il est tard, je prends en otage ton ambulancier. Tu iras à l'armand à pied. J'y veux pas de maman qui est barbelée autour de mes poignets. Tu vas crever en mangeant pour vivre à l'âge. Avec le veau aux antibiotiques ou le poulet hormonal. J'emporte les déchets de l'homme au compresseur un soir. Son sommeil éternel s'en va au pourrissoir. Je suis mort de nuit, la vie m'assassine. Je suis mort de nuit, mon cercueil est en résine. Je suis mort de nuit, la vie m'assassine.